Notre étude nous fait rencontrer les compagnons de l'apôtre Paul dans diverses villes du bassin méditerranéen, à Jérusalem, à Antioche, à Éphèse, à Philippe, à Thessalonique, à Corinthe et à Rome. Faisons une courte visite dans la ville de Colosse, en Asie mineure. Il est possible que Paul ici soit arrêté au cours de son troisième voyage missionnaire puisqu'il a dû passer par là en se rendant des hauts plateaux d'Asie mineure à Éphèse, acte 19, verset 1. Mais il ne s'est guère arrêté à Colosse puisqu'il avait hâte d'arriver à Éphèse, où il a longuement séjourné. À ce sujet, nous lisons acte 19, versets 9 et 10. « Paul enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus, cela durant 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. » À tous ceux qui habitaient l'Asie, ce que nous désignons maintenant comme un vaste continent, n'était à l'époque qu'une province, cette région qui forme la partie occidentale de la Turquie actuelle. Pendant les années 56 et 57, Paul a donc enseigné à Éphèse dans l'école de Tyrannus. Les habitants de toute la région ont dû entendre parler de Paul, et c'est ainsi que nombreux ont été les Colossiens, comme les ressortissants des villes voisines de Laodicée et de Hierapolis, qui ont bénéficié directement ou indirectement de son enseignement. À cette époque, 3 hommes ont joué un rôle prépondérant dans l'église de Colosse, Philémon, Épaphras et Archippe. Le Nouveau Testament nous dit qu'ils étaient pour l'apôtre des compagnons d'œuvre, de service et de combat. 3 compagnons d'œuvre et aussi 3 exemples pour notre vie et notre témoignage aujourd'hui. Philémon et sa femme Appia accueillaient les chrétiens dans leur maison. Ils devaient avoir les moyens de recevoir, car ils avaient probablement une vaste demeure avec des serviteurs, une demeure suffisamment grande pour y loger des hôtes de passage, puisque dans la lettre qu'il adresse à Philémon, l'apôtre demande à son ami de lui préparer un logement. Philémon et sa femme ont donc ouvert leur maison aux chrétiens. Ils l'ont fait malgré les risques qu'ils encouraient, arrestation, prison et peut-être même martyr. Et cela ne les a pas effrayés. À côté de la lutte que représentait l'opposition farouche des autorités, il y avait le combat contre les puissances du mal pour arracher les âmes au péché. Paul savait que Philémon était un gagneur d'âmes. Pour preuve, sa recommandation au sujet d'Onésime, l'ancien esclave de Philémon. Onésime avait volé son maître, puis, pour employer une expression contemporaine, il avait disparu dans la nature. Peut-être est-ce le produit de son larcin qui lui a permis de gagner Rome, la ville impériale. Nous ignorons tout des circonstances de ce voyage, mais le jour est venu où Onésime a été incarcéré dans la prison même où se trouvait l'apôtre. Paul lui a alors présenté le salut en Jésus-Christ, et Onésime a ouvert son cœur au message de la grâce de Dieu. Paul aurait même souhaité le garder à ses côtés car il appréciait ses services, mais il fallait d'abord qu'Onésime règle sa situation à l'égard de son maître, à Colosse. Il fallait aussi que Philémon pardonne à Onésime les torts commis et le reçoive comme un frère en Christ. La lettre de Paul à Philémon n'est donc qu'un plaidoyer de l'apôtre en faveur de cet ancien esclave récemment converti. « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes. » Onésime. Il t'a fait du tort, Philémon, oui, c'est vrai, mais Christ nous a pardonné. Ne devons-nous pas pardonner à notre tour? Je t'engage donc à faire preuve d'amour, à pardonner, et ainsi à tranquilliser mon cœur. Onésime, je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Philémon, mon compagnon d'œuvre, je compte sur toi. Laisse parler ton cœur et démontre ton amour pour le Seigneur et pour moi, dans ce que tu feras à l'égard d'Onésime. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Philémon, seras-tu prêt à le recevoir comme un frère, même si autrefois il t'a offensé? Je t'écris sachant que tu feras même au-delà de ce que je te dis. C'étaient les versets 12 à 14, 17 et 21 de la lettre à Philémon. Un compagnon d'œuvre est un combattant pour la foi, oui, mais c'est aussi un homme qui apprend à aimer, à consentir volontairement à des sacrifices, à abandonner ses rancunes et ses réserves mentales, à pardonner de tout son cœur. Qu'en est-il de nous? Nous prétendons servir Jésus-Christ et combattre pour sa cause en notre époque, mais nous démontrons parfois si peu d'amour envers les autres. Nous avons tant de peine à pardonner, à accorder avec joie un bienfait, à sacrifier nos intérêts. Souvenons-nous que les victoires pour Dieu se lirent d'abord dans notre cœur, le champ de bataille de nos réticences instinctives, de nos réserves mentales, de notre égoïsme naturel. Au premier siècle, les chrétiens de Colosse se donnaient sans compter, nous l'avons vu au sujet de Philémon. Examinons maintenant le cas d'Épaphras. Il a été vraisemblablement le premier pasteur de l'église de Colosse. Combien de temps a-t-il exercé son ministère dans cette église? Tout au plus 2 ou 3 ans, car tout laisse supposer qu'il a été ensuite arrêté et conduit à son tour à Rome. Là, il est devenu le compagnon de captivité de Paul, probablement enfermé dans la même prison. Lettre à Philémon, verset 23. Car lorsque l'apôtre rédige son épître aux Colossiens, il parle 2 fois d'Épaphras. Nous lisons tout d'abord au premier chapitre de cet épître les versets 6 à 8. Vous avez connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre de Christ et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Épaphras apporte donc à l'apôtre de bonnes nouvelles des Colossiens et sa propre épreuve ne le décourage pas. Il n'oublie pas ses paroissiens, au contraire, puisqu'il ne peut plus poursuivre son ministère auprès d'eux sur place. Il en accomplit un autre à distance, un ministère combien efficace. Suivons donc la plume de Paul dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 4, versets 12 à 13. « Épaphras, qui est des vôtres, ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, demeurant disposés à faire toute la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hierapolis. » Épaphras n'est-il pas un berger modèle, s'oubliant lui-même? Il s'inquiète du bon état des brebis de son troupeau, c'est-à-dire des fidèles de sa communauté. Il a été privé de sa fonction, avait été probablement arraché aux siens et conduit sous escorte à Rome. Mais qu'importe, il continue de combattre sur le plan spirituel en faveur des Colossiens. Il ne cesse de prier pour eux, ainsi que pour les chrétiens des villes voisines. Il souhaite qu'à leur tour, les Colossiens tiennent bon et accomplissent pleinement la volonté de Dieu. Et sans doute, Épaphras a-t-il aussi prié pour le pasteur qu'il avait remplacé à la tête de l'Église, un pasteur auquel Paul a aussi réservé un message personnel dans cet épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 17. « Et dites à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. » L'exemple des témoins de l'Église primitive est là, dans notre Bible, pour apporter une leçon bien précieuse aux serviteurs de Dieu des temps modernes, car combattre pour l'Évangile, ce n'est pas avant tout redoubler d'activité ou d'activisme. Combattre, c'est vivre l'Évangile tous les jours, c'est lutter dans la prière, c'est aimer, pardonner, c'est être rempli de sollicitude, c'est bien remplir notre ministère. Philémon, Épaphras et Archip sont entrés tour à tour dans cet exercice de vie et ont remporté des victoires pour le Seigneur. L'apôtre a apprécié leur consécration à toute épreuve. Il était heureux d'affirmer au sujet de Philémon « Notre bien-aimé compagnon d'œuvre. » Philémon 1, au sujet d'Épaphras « Notre bien-aimé compagnon de service. » Colossiens 1, verset 7. Et au sujet d'Archip « Notre compagnon de combat. » Philémon 2. Pour la guerre qui se livre aujourd'hui entre le ciel et l'enfer, entre Dieu et le diable, entre Jésus-Christ et l'Antéchrist, le Seigneur cherche au sein de son Église des compagnons d'œuvre et de service qui soient aussi des compagnons de combat. Les trouvera-t-il parmi vous, chers amis à l'écoute? Nous ne pouvons demeurer indifférents devant la détresse du monde et la perdition des âmes immortelles. Nous ne pouvons pas les arracher à la damnation éternelle sans réveiller l'opposition de Satan, notre ennemi. C'est pourquoi la conquête des âmes est un combat dans lequel nous sommes tous engagés comme compagnons d'œuvre sous les ordres de Jésus-Christ, notre chef divin. Quelle glorieuse vocation, ne trouvez-vous pas, chers auditeurs ?